départ, comme à l'arrivée, je le sais, mes gars restent frais. Monsieur Superstar, on sent pas juste bénéficier d'un justice sous DC. La rage d'une thèse, d'une population, aucune simulation. Si tu peux chez nous rapper dans le son, réalité de nos sites, tous des hommes de terrain. Quatre membres, chacun sa façon d'être, on forge son chemin soi-même. Toi et ta critique, ton air euphorique, t'as qu'à faire de même. Qu'est-ce que tu veux faire monter la haine, ça marche pas. Qui contrôle tout ça? Plage et plage meilleur que toi. Pourquoi? Au lieu de pousser des cris, on écrit, c'est lui en sursis. Des peines de un dix palais, infligées à des gosses, pas plus aucun palais. Voilà pourquoi on fait de ça représenter. C'est comme ça que c'est. On est les meilleurs, ce soir rap ou en texte. On est les meilleurs, le vrai c'est notre seul concept. On est les meilleurs, si tu chattes on fait ta fête. On est les meilleurs, du quartier pas des lèches. On est les meilleurs, ce soir rap ou en texte. On est les meilleurs, le vrai c'est notre seul concept. On est les meilleurs, si tu chattes on fait ta fête. On est les meilleurs, du quartier pas des lèches. Je m'en fous que tu parles des nouveaux MC qui brillent. La plupart en tournée deviennent des pédophiles. Prends pas la tête avec des rappeurs qui kick. Ce sont des faux, attends je t'explique. Ils parlent comme des cailles, agissent comme des cailles. Mais ce ne sont pas des cailles. Tu pourrais croire que ce sont des chaudes après leur texte. Mais ils se font mettre à l'amende dans leur tête. T'as de l'argent et une grosse baraque grâce au rap. Et tu parles de la rue comme si tu savais ce qui s'y passe. Tu crois que t'es de la vieille école, de la nouvelle. Elle appelle les vieux de la vieille. Mais qui sont ces mecs, de quelle ville ils viennent? Si barbeau stylé à l'ancienne. Mec du nord au top, ici depuis perpète. Pas besoin du rap mec pour qu'on nous respecte. On est les meilleurs, ce soir rap ou en texte. On est les meilleurs, le vrai c'est notre seul concept. On est les meilleurs, si tu chattes on fait ta fête. On est les meilleurs, du quartier pas des lèches. On est les meilleurs, ce soir rap ou en texte. On est les meilleurs, le vrai c'est notre seul concept. On est les meilleurs, si tu chattes on fait ta fête. On est les meilleurs, du quartier pas des lèches. Nox, Hughes, Don, Silver et Lord Eagle. Elle a fait du bon comme les gens veulent. Tu vois je veux dire ma gueule. Goût amer dans la bouche, même rage au ventre. Esprit farouche qui se concentre. Je baisse pas les bras, même si ça croit le poids des charges au sens large. Ma volonté se recharge. Toi même tu sais je suis à fond dedans. J'ai du mordant, faut que j'assure les aïe à mes descendants. La vie est pleine de surprises. Pire que Kinder, maintenant peu ce que je vis c'est devenir légendaire. Je reste vrai et prêt à aller au fond comme un boxeur. Avec mon pro que retient mon boxeur. Vitre vanoise, taille une ardoise. Il faut que tu sois carré. Fais le balance à rap, il est zim. Mais tu sais que ça sonne, yo, c'est tes donnes. On est les meilleurs, ce soir rap ou en texte. On est les meilleurs, le vrai c'est notre seul concept. On est les meilleurs, si tu chattes on fait ta fête. On est les meilleurs, du quartier pas des lèches. On est les meilleurs, ce soir rap ou en texte. On est les meilleurs, le vrai c'est notre seul concept. On est les meilleurs, si tu chattes on fait ta fête. On est les meilleurs, du quartier pas des lèches. Cette formation de MC, inconnue là-bas ici. À l'époque décidé à foutre le bordel ici. Motivé à mort, une petite bande, on est 6. Indifférent, c'est notre créneau avec un cycle ici. Premier opus, trop beau pour être vrai, ouais. On se cherchait encore, on s'est trouvé, t'as vu. Avec la racaille, on a trouvé la formule secrète. Einstein du hip-hop, c'est nous. Formule simple et basée sur du vrai, c'est tout. Ok, faut pas sortir de l'ENA, mais bon, avant nous, aucun brevet déposé. On vient des blocs, alors on parle des blocs. Des jeunes bien et de tous ceux qui débloquent. Notre univers, on en parle, fait divers. En 2000 constat j'hallucine. Tout le monde vient des blocs et parle des blocs. On est les meilleurs, ce soir rap ou en texte. On est les meilleurs, le vrai c'est notre seul concept. On est les meilleurs, si tu chattes on fait ta fête. On est les meilleurs, du quartier pas des lèches. On est les meilleurs, ce soir rap ou en texte. On est les meilleurs, le vrai c'est notre seul concept. On est les meilleurs, si tu chattes on fait ta fête. On est les meilleurs, du quartier pas des lèches. Mais who's the winner, qui le meilleur? Clown qui clame tout, ce qui chope sur vidéo. Ou le gars Joe qui assume quand c'est trop chaud, coco. Car qu'il fut un temps gentil, lendemain nanti aigri. T'as menti, tu ne diras pas vu, pas pris. Mais qui est le meilleur? L'enfoiré qui se cache pour faire son beurre. Ou celui qui se lève pour des heures de labeur? Qui est le meilleur, hein? Mais qui est le meilleur, hein? Le blaf qui fait le cake et chie dessus, tu sais qu'il préfère mater de sa fenêtre. Même qui perd ses moyens, au moins une postille en postiche. Mais les mecs comme moi, ça vous cuniche. Tu l'as dit, ils se font mettre à la montre dans leur tête et charrie dans leur texte. Mais qui est le meilleur, toi ou moi? Qui suis sincère ou celui qui insulte le plus vulnérable à la faute? Faute de reconnaissance, de Paris à Bourstra. Ça continuera comme ça, on est les meilleurs du pavé, NAP. On est les meilleurs du parpaing, Jean Gabin. On est les meilleurs, on est les meilleurs, les mecs. On est sur le track de tard, on est les meilleurs, les mecs. On est les on n'aime pas les lèches. On n'aime pas les tâches. On est les meilleurs des mecs. On est les meilleurs des uns. On est les meilleurs des russes. NRP.